السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah عز وجل la lecture et l'écoute de l'épître La dureté du cœur, ses causes et remèdes, du grand savant Al-Hafir Ibn Rajab Al-Hanbali, rahimahullahu ta'ala. Nous sommes toujours dans la troisième partie de cet épître, dans laquelle l'auteur, rahimahullah, cite les causes qui dissipent la dureté du cœur. La semaine passée, nous avons cité deux causes qui dissipent la dureté du cœur. Nous avons cité l'évocation d'Allah, à travers le Coran et autres. Et nous avons vu que ceci faisait partie des plus grandes causes qui dissipent la dureté du cœur. Ensuite, nous avons mentionné parmi les causes la bienfaisance envers les orphelins et les nécessiteux. Après cela, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit « Minha kathratu zikrin, minha Kathratu zikri al-maut. » L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit « Parmi les causes qui dissipent la dureté du cœur, il y a le fait de beaucoup se rappeler la mort. » Il dit « Ibn Abi Dunya rapporte avec une chaîne de transmission d'après Safiyya qu'une femme est venue voir Aïcha radiallahu anha pour se plaindre de la dureté dans son cœur. Aïcha radiallahu anha lui dit « Rappelle-toi beaucoup la mort, cela adoucira ton cœur et facilitera tes affaires. » La femme mit en pratique les recommandations de Aïcha, radiallahu anha. Après cela, elle ressentit de la droiture dans son cœur. Elle ressentit de la droiture dans son cœur et elle remercia Aïcha, radiallahu anha, pour ses conseils. قال المؤلف لتر جليف أدي وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. لتر جليف أدي et plus d'un parmi les pieux prédécesseurs parmi سعيد بن جبير et ربيع بن أبي راشد disait si le rappel de la mort se séparait de nos cœurs ne serait-ce qu'un instant alors nos cœurs seront corrompus. قال المؤلف لتر جليف أدي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith « Rappelez-vous souvent celle qui détruit et qui coupe rapidement les plaisirs, c'est-à-dire la mort. » Parmi les causes qui éliminent la dureté du cœur, il y a le fait de beaucoup se rappeler la mort. Allah Azza wa Jal a décrété la mort pour chaque âme. Comme il a dit dans son livre, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dans le sens, chaque âme goûtera la mort. Surat Ali Imran, verset 185. De même, Allah Azza wa Jal a dit à la meilleure créature qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il mourra. Il dit dans le sens Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Dans le sens rapproché du verset, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Sourate Az-Zumar, verset 30. Il convient à chacun d'entre nous d'avoir la mort dans son esprit afin de pouvoir se préparer à la rencontre de son Seigneur. Allah Azza wa Jal dit « Wattaqullaha wa'alamu annakum mulaquh » dans le sens « Et craignez Allah et sachez que vous rencontrerez votre Seigneur. » Surat al-Baqarah, verset 223. La mort n'a pas été citée dans les affaires de ce bas monde sans qu'elle ne fasse baisser l'envie de ce bas monde dans le cœur de la personne. Et elle n'a pas été citée dans les choses de l'au-delà sans qu'elle ne fasse augmenter l'envie d'œuvrer pour l'au-delà. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal mentionne la mort dans de nombreux versets du Coran pour nous rappeler notre retour et pour que ce bas monde ne nous distrait pas de notre objectif, l'objectif pour lequel nous avons été créés, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il y a dans le rappel de la mort de nombreux bienfaits pour le serviteur. Le rappel de la mort pousse à prendre ses provisions, à se préparer. Le rappel de la mort pousse au repentir, à la demande de pardon, au délaissement des péchés et de l'injustice. Le rappel de la mort augmente la crainte d'Allah Azza wa Jal dans le cœur. Elle adoucit le cœur et dissipe la dureté du cœur, comme nous avons vu à travers le récit de Aïcha radiallahu anha. De même, les pieux prédécesseurs se rappelaient souvent la mort, comme ceci a été rapporté de Saïd ibn Jubair, qui disait « Si le rappel de la mort se séparait de nos cœurs ne serait-ce qu'un instant, nos cœurs seraient corrompus. » On voit à travers ces récits l'importance que les pieux prédécesseurs accordaient à l'état de leur cœur, comme nous pouvons le faire aujourd'hui avec nos corps, qui à la moindre maladie, nous sommes chez le médecin de spécialiste en spécialiste pour connaître la maladie, la cause et le remède. Il convient d'en faire de même avec le cœur et d'être attentif à son égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira, rappelez-vous souvent celle qui détruit et coupe les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Le noble cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, a dit en explication de ce hadith, il y a dans ce hadith l'obligation de se rappeler la mort. Ce qui est voulu, ce n'est pas que la personne sache qu'il va mourir, car toute personne sait qu'il mourra. Même les bestiaux savent qu'ils mourront. Mais ce qui est voulu, c'est que la personne se prépare en préparant ses provisions tant qu'elle a encore en vie. Le rappel pousse la personne au repentir, aux bonnes actions et à la crainte. Pourquoi vouloir ce bas monde alors que la personne sait qu'elle mourra? Il lui suffit de prendre ce qui lui suffira dans ce bas monde et de s'orienter vers Allah Azza wa Jal. Il dit également, il est donc impératif de se rappeler souvent la mort, pas une fois ou deux fois, mais de l'avoir constamment à l'esprit. Nous voyons à travers ces récits qu'il y a dans le rappel de la mort, la rectitude des cœurs et la dissipation de la dureté des cœurs. قال المؤلف لتر جريف أدي ومنها زيارة القبور والتفكير في حال أهله والتفكير في حال أهلها ومصيرهم وقد سبق قول أحمد للذي سأل ما يرق قلبي قال أدخل المقبرة لتر جريف أدي parmi les causes qui dissipent la dureté du cœur il y a la visite des tombes des cimetières ainsi que la méditation sur les gens des cimetières et leur finalité. Et nous avons vu précédemment la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui a dit à celui qui a demandé sur ce qui adoucit le cœur, il lui dit, entre ou visite le cimetière. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim, d'après Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Visitez les cimetières, les tombes, car elles rappellent la mort. » وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنه ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا » رواه أحمد وابن أبي الدنيا. D'après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes auparavant. Ensuite, il m'est apparu que cela adoucit les cœurs, fait couler les larmes et rappelle l'au-delà. Visitez les tombes alors et ne dites pas de mauvaises paroles. » Parmi les causes qui éliminent la dureté du cœur, il y a la visite des cimetières, des tombes, en méditant sur le sort de ces gens et leur finalité. Ici, il est question de la visite des cimetières légiférés. Quant à la visite des cimetières non légiférés, où la personne va au cimetière pour tourner autour des tombes, invoquer les morts, invoquer les saints, en leur demandant quoi que ce soit, comme le fait de demander des enfants, la santé et autres, alors tout ceci est blâmable et fait partie du polythéisme. Allah Azza wa Jalla nous interpelle à ce sujet dans le Coran et nous appelle à raisonner au sujet de ces créatures qui sont mortes et qui sont invoquées en dehors d'Allah et qui ne peuvent ni profiter ni repousser ni qui ne peuvent ni faire profiter d'un bien ou nuire la personne d'un quelconque mal. Allah Azza wa Jalla dit: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, en dehors de lui, ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de datte. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas, et votre invocation. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre, et le jour dernier, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est informé. Sourate Fatir, verset 14. Il dit également: Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah. Wa in yaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhuhu minhu. Il dit dans le sens du verset: Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont tous deux faibles. Sourate Al-Hajj, le pèlerinage, verset 73. Le grand savant, le Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit au sujet de la visite des tombes. Il dit, rahimahullah, la visite des tombes est une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité les tombes et a dit, visitez les tombes car elles rappellent l'au-delà. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons ce qu'ils devaient dire lorsqu'ils visitent les tombes. La sunna pour les hommes est qu'ils visitent les tombes car ceci rappelle l'au-delà, la mort, et aide à se préparer pour l'au-delà. Quant aux femmes, il ne leur est pas légiféré de visiter les tombes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent les tombes. Il n'est donc pas légiféré pour les femmes de visiter les tombes. Quant aux hommes, oui, il leur est légiféré, et ils ne doivent pas dire de mauvaises paroles. Ils ne doivent pas invoquer les morts, ni chercher le secours auprès d'eux, ni l'aide, comme le font certains ignorants. Ceci est blâmable et c'est du shirk. Ces demandes sont spécifiques et vouées à Allah Azza wa Jal seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: si tu demandes, demande à Allah, et si tu prends aide auprès d'Allah. De même, Allah Azza wa Jal dit: fala tad'u ma'a Allahi ahada, et n'invoque personne avec Allah. Surat Jin, Al-Jin, verset 18. Il dit: ce qui est voulu de la visite, c'est qu'il visite les tombes, qu'ils invoquent la miséricorde et le pardon d'Allah pour eux. Et à travers la visite, cela lui rappellera la mort et l'au-delà. Fin de citation. Il convient à chacun d'entre nous de méditer sur les gens qui abritent ces cimetières. Leur finalité. Est-ce qu'ils ont réussi leur test? Est-ce qu'ils ont été assistés et raffermis par Allah Azza wa Jal? De méditer sur le fait qu'ils ne peuvent plus revenir dans ce bas monde pour œuvrer, et que nous sommes présents actuellement et avons la capacité d'œuvrer. Il convient également de nous poser les bonnes questions. Allons-nous réussir ce test? Serons-nous assistés par Allah Azza wa Jal? Qu'avons-nous préparé comme œuvre? Car par Allah, nous passerons tous par cette étape. Il a été rapporté que Othman radiallahu anhu, lorsqu'il passait par les cimetières, il pleurait jusqu'au point de mouiller sa barbe. On lui disait: on te mentionne le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas. Mais lorsqu'il s'agit de cela, c'est-à-dire de passer par les cimetières, tu pleures. Il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tombe est la première étape de l'au-delà. S'il réussit cette étape, ce qui vient après cela sera facile. Et s'il ne réussit pas cette étape, alors ce qui vient après cela sera pire que ce qu'il subit dans la tombe. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a cité un poème. Il a dit, rahimahullahu ta'ala, wa qultu wallahu al-muwaffiq, afi dari al-kharabi tazallu tabni, wa ta'muru ma li'umranin khuliqta, wa ma tarakat laka al-ayyamu uzra, laqad wa'azatka lakin ma ta'azta, tunadi lil-rahil bikulli hinin, وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها تبعت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت ولست بآمل باطل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وفيت ستة وأرجو أن يتول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى أيا غصن الشباب تميل أيا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وشبت علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصحح قد علمت وما عملت ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا من قد أمرت أججت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت وتشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرث وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت يعود المرء بعد الموت ذكرى فكن حسن الحديث إذا ذكرت سل الأيام عن عمر وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت Il dit dans le sens « Afidari al-kharabi tazallu tabni wa ta'muru ma li'umranin khuliqta » Est-ce dans la maison en ruine que tu continues à bâtir et tu y demeures alors que tu n'as pas été créé pour cela? Tu n'as pas été créé pour rester. Ce qui est voulu par la maison en ruine, c'est ce bas monde qui est amené à disparaître. La personne construit dans un monde qui est voué à disparaître. Alors qu'il a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. وَمَا تَرَكَتْ لَكَ الْأَيَّامُ عُذْرًا لَقَدْ وَعَظَتْكَ لَكِمْ مَتَّعَذْتَ Et les jours ne t'ont pas laissé d'excuses, ils t'ont exhorté, mais tu n'en as pas profité. تُنَادِي لِلْرَحِيلِ بِكُلِّ حِينٍ وَتُعْلِنُ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنْتَ Ils appellent au départ à chaque instant, et ils annoncent que c'est toi le concerné. C'est-à-dire, ils appellent au départ à travers la mort des proches, des amis, des bien-aimés, alors qu'en réalité, c'est toi qui es concerné par ces appels, pour que tu médites et saches que ton tour arrivera. Ils te font entendre l'appel alors que tu es inattentif à l'annonciateur, à l'annonceur, comme si tu n'avais pas entendu. Et tu sais que c'est un long voyage, mais tu as négligé la préparation des provisions. تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت. Tu dors alors que le demandeur des jours court, derrière toi il ne dort pas, comment peux-tu dormir? C'est-à-dire comment peux-tu dormir et trouver le sommeil alors que tu négliges les provisions, les bonnes actions, alors que le demandeur des jours, c'est-à-dire la mort, court derrière toi. معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها تبعت. Les défauts de cette vie d'ici-bas sont nombreux et ton amour pour elle est gravé dans ton cœur. C'est-à-dire, les défauts et les difficultés de ce bas monde sont nombreux, comme la maladie, la fatigue et autres. Et ce bas monde en général ne vaut pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah Azza wa Jal, comme ceci a été rapporté dans le hadith. Et malgré tous ses défauts et la place de ce bas monde auprès d'Allah, tu l'aimes d'un amour profond jusqu'à être esclave de ce bas monde. يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت. La vie se perd entre amusement et distraction, et si tu avais une raison, tu n'aurais pas joué. Allah Azza wa Jal dit à cet effet dans le Coran, dans Sourate Le Fer, verset 20, concernant ce bas monde, il dit, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'argent entre vous, une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. De même, Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a dit, par Allah, je n'ai pas gâché un moment de ma vie dans l'amusement et la distraction. Al-Hassan al-Basri a dit, comme est étrange le cas des gens. Ils ont reçu l'ordre de prendre les provisions. Ils ont été appelés à partir et voilà qu'ils sont assis en train de jouer. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleurerait plus. Ensuite, l'auteur du livre a dit, فَمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ سِوَى جَحِيمٍ لِعَاصٍ أَوْ نَعِيمٍ إِنْ أَطَعْتَ. Qu'y a-t-il après la mort si ce n'est l'enfer pour un désobéissant ou le paradis si tu as obéi? C'est-à-dire qu'en réalité, il y a deux finalités, soit le feu ou soit le paradis. Le doué de raison fournit les efforts pour être parmi les bienheureux, tandis que l'ignorant qui a été trompé emprunte le chemin qui mène au feu. Ensuite il dit, وَلَسْتَ بِآمِلِ بَاطِلٍ رَدًّا لِدُنْيَا فَتَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ. Ne te lance pas de faux espoirs pour revenir à la vie d'ici-bas, afin que tu fasses du bien dans ceux que tu délaissais. Allah Azza wa Jal nous dit à cet effet dans Sourate Les Hypocrites, verset 10, et dépensez ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il dit après cela, wa awwalu man alumu al-yawma nafsi faqad fa'alat nadha'ira ma fa'alta aya nafsi akhawdan fil ma'asi wa ba'd al-arba'in wa fayta sitta. وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى. Ici l'auteur du livre rahimahullah blâme sa propre personne. Cela montre sa modestie. Il écrit ce poème mais nous montre qu'il est la première personne concernée par ses paroles. Également ceci amène à la réforme du cœur et à la dissipation de la dureté du cœur. Et il convient au serviteur d'être ainsi tout le temps, de blâmer sa personne et de se remettre en question. Ensuite, il espère que sa vie s'allonge dans le bien, pour préparer les provisions, qui sont les bonnes actions, pour le départ, qui est la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur parmi les gens est celui qui a eu une longue vie et qui a œuvré dans le bien. Ensuite, il dit, Aya rusna shababi taminu zahwan ka annaka qad mada zamanun wa shibta. Ô branche de la jeunesse, tu te penches de fierté et la vieillesse arrive comme si tu avais passé un court moment. C'est-à-dire, la jeunesse ne dure pas et la vie passe très vite. Il est donc impératif d'utiliser cette jeunesse, cette force, cette vivacité dans ce qui est profitable, tel que la prière, le jeûne, les aumônes, les vocations, l'apprentissage de la science, la propagation de la science, car en réalité, la vieillesse est le premier avertissement qui nous rappelle que la mort est proche. Il dit ensuite, « Alim tafadir sabil al-jahni wahzar, wa sahih qad alimta wa ma amilta. » Tu sais donc, alors laisse la voie de l'ignorance et prends garde et corrige-toi car tu sais, mais tu n'œuvres pas. C'est-à-dire, tu sais et tu connais la vie, la voie de la vérité. Tu connais la voie de la vérité, délaisse donc la voie de l'ignorance. Car l'ignorance est une maladie qui tue et cette ignorance est à la base de tout mal. Sois donc attentif et emprunte la voie de la vérité. Corrige-toi et prends garde car tu connais, mais tu n'œuvres pas. Abu Darda radiallahu anhu a dit « Malheur à celui qui ne connaît pas et malheur cette fois à celui qui connaît mais qui n'œuvre pas. » Il dit ensuite « وَيَا مَنْ يَجْمَعُ الْأَمْوَالَ قُلِّي أَيَمْنَعُكَ الرَّدَى مَا قَدْ جَمَعْتَ » Ô toi qui amasses les biens, dis-moi, la mort ne t'a-t-elle pas empêché de les amasser? C'est-à-dire, prends garde à ne pas amasser l'argent et courir derrière ce bas monde jusqu'à délaisser et oublier le but de ta création. Est-ce que cet argent peut t'empêcher de mourir? Allah Azza wa Jal dit dans Sourate At-Takathur, la course aux richesses vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, c'est-à-dire la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Ka'b ibn Malik, deux loups affamés dans un troupeau sont moins pires que l'obsession et la recherche de l'argent et des honneurs pour la religion de l'homme. Il dit ensuite, وَيَا مَنْ يَبْتَغِي أَمْرًا مُطَاعًا لِيُسْمَعَ نَافِذًا مَنْ قَدْ أَمَرْتَ أَجَجْتَ إِلَى الْوِلَايَةِ لَا تُبَالِي أَجِرْتَ عَلَى الْبَرِيَّةِ أَمْ عَدَلْتَ أَلَا تَدْرِي بِأَنَّكَ يَوْمَ صَارَتْ إِلَيْكَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ذُبِحْتَ وَلَيْسَ يَقُومُ فَرْحَةٌ قَدْ تَوَلَّى بِتَرْحَةِ يَوْمٍ تَسْمَعُ قَدْ عُزِلْتَ. Ô celui qui recherche le commandement, et que s'exécute celui qui reçoit ton ordre. Tu as tout fait pour avoir le pouvoir sans te soucier si tu as été injuste ou juste envers la création. Ne sais-tu pas que le jour où il est venu, c'est-à-dire le pouvoir, tu as été en réalité égorgé sans couteau. Et la joie du jour où le pouvoir a été acquis ne sera pas semblable à la peine et au malheur du jour où tu seras destitué. Ensuite, dans ces vers, il met en garde contre le fait de chercher le pouvoir, l'autorité, le leadership. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abi Dharr radiallahu anhu au sujet du pouvoir et du commandement, il est un dépôt et le jour dernier il sera un regret. Ensuite il dit, وَلَا تُهْمِلْ فَإِنَّ الْوَقْتَ يَسْرِي فَإِنْ لَمْ تَغْتَنِمْهُ فَقَدْ أَضَعْتَ. Et ne sois pas négligent car le temps passe vite, car si tu n'en profites pas, alors tu auras perdu. Ici, il encourage et incite à préserver le temps et d'utiliser ce temps dans le bien, et que le temps est comme une épée à double tranchant. Si tu ne l'utilises pas dans l'adoration d'Allah, le temps t'occupera dans les péchés et les choses futiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, hadith rapporté par Al-Bukhari, deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants, la santé et le temps libre. Il dit ensuite, « تَرَى الْأَيَّامَ تُبْلِي كُلَّ غُسْنٍ وَتَتْوِي مِنْ سُرُورِكَ مَا نَشَرْتَ وَتَعْلَمُ إِنَّمَا الدُّنْيَا مَنَامٌ فَأَحْلَى مَا تَكُونُ إِذَا انْتَبَهْتَ » Tu vois les jours user toutes les branches et ils plient tes joies que tu as vécues et apprends que la vie n'est qu'un rêve, alors elle sera savoureuse si tu es attentif. C'est-à-dire que tu vois de tes propres yeux les jours user les branches et ces jours plient tes joies. C'est-à-dire les joies que tu as vécues disparaissent au fil du temps. Aujourd'hui tu es heureux et demain tu es triste. Tu vois tout ceci mais tu continues à courir derrière ce bas monde. Et tu sais que cette vie est comme un rêve. Lorsqu'elle se termine, tu as l'impression d'avoir vécu un jour, une partie d'un jour, tel le rêve qui est court, et ce rêve se termine avec la mort. Alors pourquoi repousses-tu l'acquisition de ce qui est éternel et par ce qui est éphémère et son ornement tu es préoccupé? C'est-à-dire, comment repousses-tu ce qui est éternel, c'est-à-dire le paradis, où il n'y a pas de tristesse, d'angoisse, de difficulté? Comment peux-tu délaisser le paradis et être préoccupé par le bas monde qui est voué à disparaître? Il dit ensuite, هِيَ الدُّنْيَا إِذَا سَرَّتْكَ يَوْمًا تَسُوءُكَ ضُعْفَ مَا فِيهَا سُرِرْتَ. Telle est la vie d'ici-bas, si elle t'épanouit un jour, elle te rend beaucoup plus triste que ce que tu fus joyeux en elle. Telle est la vie, si tu comptes les jours dans lesquels tu as été heureux et les jours dans lesquels tu as été triste, tu trouveras les jours dans lesquels tu as été triste, les jours d'angoisse, de stress, plus nombreux que les jours dans lesquels tu as été heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abu Huraira, rapporté par Muslim, ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت. Elle te séduit comme un mirage et toi tu vas vers elle et tu ne ressens pas que tu as été trompé. La vie d'ici-bas est comme un mirage que l'assoiffé prend pour de l'eau. Il court après elle nuit et jour en pensant que c'est ce qui va le rendre heureux. Il dit ensuite « وَتَشْهَدُ كَمْ أَبَادَتْ مِنْ حَبِيبٍ كَأَنَّكَ آمِنٌ مِمَّا شَهِدْتَ » Et tu vois combien de proches de bien-aimés elle a pris, comme si tu es à l'abri de ce dont tu as été témoin. Nous voyons tous les jours nos proches, nos amis partir, mais nous sommes insouciants comme si nous étions à l'abri de la mort. Il dit ensuite « وَتَدْفِنُهُمْ وَتَرْجِعُ ذَا سُرُورٍ بِمَا قَدْ نِلْتَ مِنْ إِرْثٍ وَحَرْثٍ وَتَنْسَاهُمْ وَأَنْتَ غَدًا سَتَفْنَى كَأَنَّكَ مَا خُلِقْتَ وَلَا وُجِدْتَ تُحَدِّثُ عَنْهُمْ وَتَقُولُ كَانُوا نَعَمْ كَانُوا كَمَا وَاللَّهِ كُنْتَ. Combien de messages recevons-nous concernant les prières funéraires, alors que demain, c'est sur nous que les gens prieront. Après l'enterrement, quelques heures après l'enterrement, nous retombons dans cette insouciance. Nous retombons dans cette insouciance au point d'être heureux d'avoir eu une part de l'héritage de cette personne qui est décédée. Après l'enterrement, nous oublions ces personnes comme s'ils n'avaient jamais existé, alors que demain, les gens nous enterreront et nous oublieront comme si nous n'avons jamais existé. On parle de ces morts en disant « ils étaient ainsi », alors que par Allah, les gens diront la même chose de nous, « un tel était ainsi ». Ensuite, il dit « تُحَدِّثُهُمْ وَأَنْتَ غَدًا حَدِيثٌ لِغَيْرِهِمُ فَأَحْسِنْ مَا اسْتَطَعْتَ يَعُودُ الْمَرْءُ بَعْدَ الْمَوْتِ ذِكْرًا فَكُنْ حَسَنَ الْحَدِيثِ إِذَا ذُكِرْتَ » Tu parles d'eux et demain tu seras un récit pour d'autres qu'eux. Tu parles d'eux et demain toi-même seras un récit pour les autres. Donc fais du bien comme il t'est possible. L'homme redevient après la mort qu'un simple souvenir, soit quelqu'un au sujet duquel on dit du bien. Il dit ensuite « Salil ayyama an amrin wa khalin wa ma laka wa su'al wa qad alimta » أَلَسْتَ تَرَى دِيَارَهُمُ خَلَاءً فَقَدْ أَنْكَرْتَ مِنْهَا مَا عَرَفْتَ. Interroge les jours sur Amr et Khalin, et qu'as-tu à questionner alors que tu connais leur sort? Ne vois-tu point leur maison, leur demeure vide, alors que tu nies à leur sujet ce que tu as su? Ensuite, l'auteur du livre a dit ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. L'auteur du livre a dit, parmi les causes qui dissipent la dureté du cœur, il y a le fait de jeter un regard dans les demeures de ceux qui ont péri. Ibn Abi Dunya rapporte que lorsque Abdullah ibn Omar voulait soigner et s'occuper de son cœur, il allait voir les maisons en ruine, abandonnées, et lorsqu'il s'arrêtait à la porte, il appelait ses habitants en disant d'une voix triste, en s'adressant aux maisons en ruine, où sont vos occupants? Et il disait après cela, tout est voué à périr et disparaître sauf sa face, c'est-à-dire la face d'Allah Azza wa Jal. Le fait de méditer sur les demeures des gens qui ont été anéantis et qui ont péri, le fait de méditer sur les gens qui ont peuplé cette terre parmi les anciens, quelle a été leur finalité, qu'est-ce qu'on a fait d'eux, ceci adoucit le cœur et dissipe la dureté du cœur. Allah Azza wa Jal dit « قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ » dit « Parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels. » Sourate La Fourmi, verset 69. L'auteur du livre a dit après cela « وَمِنْهَا أَكْلُ الْحَلَالِ » Il clôture cet épître en mentionnant la dernière cause. Il dit « Parmi les causes qui dissipent la dureté du cœur, il y a le fait de manger le licite, se nourrir du licite. Se nourrir du licite a un impact sur le cœur. Si la personne se nourrit du licite, alors ceci adoucit le cœur. Quant au fait de se nourrir de l'illicite, alors ceci amène la dureté du cœur et le rend malade. Également, se nourrir du licite est une cause qui fait que les invocations sont exaucées. Et se nourrir de l'illicite est une cause qui fait que les invocations ne sont pas exaucées. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abi Huraira, rapporté par Muslim. Voici les causes qui dissipent la dureté du cœur avec la permission d'Allah Azza wa Jal que l'auteur a cité dans cet épître, qui sont au nombre de 6. L'évocation d'Allah, la bienfaisance envers les orphelins et les nécessiteux, se rappeler constamment la mort, la visite des cimetières, légiférer, la méditation sur les demeures de ceux qui ont péri et enfin le fait de se nourrir du licite. Parmi les causes qui dissipent la dureté que nous pouvons rajouter, avant tout, il y a la concrétisation du tawhid de façon apparente et cachée. Concrétiser les actions du cœur comme l'espoir en Allah, la crainte, la confiance, l'humilité, l'amour d'Allah Azza wa Jal, désirer sa rencontre et autres. Tout ceci adoucit le cœur et dissipe la dureté du cœur. De même, connaître Allah Azza wa Jal à travers ses noms et attributs. Ceci adoucit les cœurs. Ceci adoucit les cœurs lorsqu'on médite sur les sens de ces attributs de perfection. Parmi les causes qui dissipent la dureté du cœur, il y a le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son prophète, et de devancer l'ordre d'Allah et de son prophète sur tout autre ordre. Également, il y a le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre sa biographie, d'apprendre la biographie des compagnons, des pieux prédécesseurs. Tout ceci amène la douceur dans le cœur et dissipe la dureté du cœur. Il y a également le fait d'invoquer abondamment Allah Azza wa Jal, de s'asseoir avec les gens de bien, les gens de science, et d'autres causes qui dissipent la dureté du cœur, bi'idhnillahi ta'ala. Et pour finir, la dureté du cœur revient à deux choses, le suivi des passions et des ambiguïtés. Et la dissipation de la dureté du cœur revient également à deux choses, qui sont la foi et les bonnes actions. Sur ceci se termine la lecture et l'étude de cet épître du grand savant Al-Hafir Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous réformer, de nous pardonner nos fautes, de ne pas faire dévier nos cœurs après les avoir guidés, d'adoucir nos cœurs et de les préserver de la dureté du cœur. Hadha wa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.